Voici, en guère plus d'une heure, de larges extraits du roman qu'Honoré de Balzac publia en 1835, Le Père Goriot, clé de voûte de son immense comédie humaine. Ces extraits sont reliés par des résumés que je n'ai pu éviter étant donné la densité extraordinaire de ce roman. Et pour bien distinguer ces résumés de l'œuvre balzacienne, vous les trouverez toujours au présent de l'indicatif.